On va le faire, on ne va pas y manquer. J'ai lu cependant qu'il y avait deux formes de versions, un quatuor de danseuses, mais aussi un groupe de 8, c'est ça ? Ou c'est un projet à venir ? Non, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on a pour projet, quand c'est sur le quatuor, c'est quand on part à l'étranger, pour justement intégrer des personnes d'autres pays, à partager et à ramener quelque chose de différent. Mais sinon, à la base, c'est une pièce pour 8 danseuses qui est là, et ce jour-là, ça sera cette pièce-là. Merci. Grand merci, on est impatients de venir vous découvrir et de découvrir effectivement les danseuses sur scène à l'occasion de ce spectacle Queen Blood qui sera donc à l'affiche, je le rappelle, le jeudi 9 mai prochain au Théâtre des Louvrés à Pontoise avec effectivement le groupe Paradoxal sur scène. Merci. Nouvelle scène nationale, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Alors on va effectivement partager un instant pour vous faire réagir sur ce que vous venez de vivre ce matin ici et le projet qui est de vous produire en ouverture du spectacle Queen Blood qui aura lieu, donc on l'a indiqué, le jeudi 9 mai prochain. Alors votre prénom à chacune ? Anna Bettina. Moi c'est Grace Mélodie. Moi c'est Jessica. Alors dites-nous un petit peu le ressenti des unes des autres sur ce que vous venez de vivre ce matin ici même sous la direction de Ousmane Sy. Pour quel projet ? Je crois que vous avez déjà toutes, pour vous avoir découvert là ce matin, vous êtes plus que initiée à la danse. On fait toute partie du centre de formation de danse de Cergy. Du coup, on est censé avoir des minimums de base dans à peu près toutes les danses académiques et le hip-hop en plus. Donc on part peut-être de manière plus simple par rapport à d'autres, peut-être. Votre ressenti par rapport à ce que vous venez de vivre ? En fait, ça reste quand même un projet à part du CFD, dans le sens où déjà, c'est la découverte de la house music et de la house dance, ce qu'on ne fait pas particulièrement. On a une initiation et on a l'occasion de le faire déjà avec Ousmane, qui est connu dans le milieu pour sa qualité de danseur et de chorégraphe. Et ça nous permet en fait de travailler avec d'autres personnes, d'avoir d'autres énergies et d'aller chercher plus loin dans ce que nous, on connaissait déjà. Après, moi, je le prends comme un challenge personnel parce que c'est vrai que déjà, la house, c'est pas une danse que je connaissais, que je côtoyais forcément. Et du coup, c'était plus comme de la découverte et pousser mon corps à aller plus loin dans ce qu'il fait de manière automatique, je dirais. Le fait de répondre à ce projet participatif, car il est question d'un projet participatif à l'initiative de la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise, vous y êtes sensible ? Forcément, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut s'entraîner avec Babson. Pour nous, c'est une chance. Enfin, moi, j'ai entendu Babson, j'ai dit oui tout de suite, ça aurait été n'importe quoi, j'aurais dit oui. Mais c'est surtout la house. C'est vrai qu'au CFD, on ne fait pas du tout de house dance. Et ça nous permet d'aller plus loin, de servir de ce qu'on a pour aller encore plus loin avec une nouvelle danse qu'on a déjà testée par-ci, par-là. Et le fait de danser avec des nouveaux danseurs, ça nous oblige à nous adapter plus facilement aux autres. En plus, je crois savoir que le temps vous est compté, c'est-à-dire que là, il faut construire une chorégraphie, c'est ça, dans un délai court, et chacun, chacune avec, parce que vous êtes fille et garçon, chacun, chacune avec son niveau, son expérience, et arriver à faire un projet pluriel pour le coup. Oui, effectivement. Et donc, du coup, ça nous demande d'avoir pas mal de bienveillance entre nous, et c'est ce que j'aime dans ce projet, le côté collaboratif, participatif, cette bienveillance. Et le plus, voilà, c'est que la nouvelle scène nationale nous ouvre ses portes. C'est un petit pied qu'on met des danses urbaines sur ce lieu, et en fait, c'est aussi ça qui fait que j'aime ce projet. Moi, c'est le côté partage auquel j'ai beaucoup adhéré, parce que du coup, comme nous, avec la semaine, on a nos cours, on suit des directives particulières, donc c'est moins expressif, alors que là, on va plutôt être amené à s'exprimer tel qu'on est, et puis aller voir aussi les autres qui savent faire, et puis ça nous permet aussi d'avoir un autre apport sur notre danse. Une opportunité particulière parce que vous allez être en ouverture de cette soirée du 9 mai prochain, mais dans un espace particulier, pas la scène. C'est une autre forme de scène où là le public sera tout autour de vous, un rapport au public différent. Ouais, un rapport plus différent et ça nous oblige à donner encore plus de bonnes énergies, à devoir être carré dans tous les mouvements qu'on fait. Donc on n'a pas le droit de se laisser aller à un moment donné. Donc c'est d'autant plus une pression, je pense, que sur scène. Parce que j'ai jamais dansé dans un hall, moi, personnellement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Bah, après, moi, je trouve que c'est bien parce que ça amène le public à rentrer dans un univers avant même de découvrir le spectacle. Et c'est ça qui est super intéressant, en fait. Mmh. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier que la house dance reste une danse de club et pas fait pour les plateaux. Du coup, on essaie d'avoir cet esprit-là et faire partager notre énergie et mettre le public dans de bonnes conditions en fait, pour regarder le spectacle de Paradoxal. Dernière chose, vous allez intervenir. Ce spectacle est programmé dans le cadre d'un temps fort, d'un nouveau temps fort à la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise qui s'appelle Génération 3. C'est la troisième partie de cette saison 2018-2019. Le fait que cette nouvelle scène nationale s'ouvre davantage justement aux pratiques artistiques comme eh bien, ceux dont on parle, vous êtes aussi, c'est une marque et un intérêt particulier pour vous, le fait que scène nationale... Bah, c'est vrai qu'il y a une forme de prestige derrière cela, non ? Il y a un gros prestige, surtout vis-à-vis des danses urbaines. C'est surtout ça, parce qu'on ne voit pas beaucoup encore de danses urbaines sur les grandes scènes, les scènes nationales donc. Et là, on a un peu on a un peu la pression pour se dire, là, c'est le moment, c'est l'urbanisation qui arrive sur scène et on doit faire quelque chose de bien pour un petit peu donner le relais à d'autres qui oseront aller sur scène et montrer ce qu'ils savent faire, des choses qui viennent... De la rue et les mettre sur scène, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, on voit que la danse évolue et les mentalités aussi, et c'est super ça. Et que ce type de danse, eh bien, ouvre les portes d'une institution comme celle de la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise. Je suppose que vous y êtes aussi attentive. Exactement, pour avoir vu pas mal de spectacles ici, donc c'était plus du contemporain ou du modern jazz, et d'avoir cette possibilité de dire que nous aussi on peut créer, proposer et le montrer sur scène à d'autres gens, et que en quelque sorte ces danses urbaines se démocratisent, c'est-à-dire qu'elles trouvent leur place sur ces scènes nationales. Bon, dernier mot. Bah, c'est aussi une opportunité pour le CFD de se faire connaître et de montrer ce qu'on sait faire et que c'est accessible à tout le monde. Le CFD, c'est Centre de formation de la danse de Cergy. C'est une bonne école. Hein. C'est super. Franchement, on apprend tout. On a des profs géniaux. On a des profs vraiment extraordinaires. Et puis, il y a une ambiance qui est super. C'est une vraie équipe. C'est une vraie famille. Merci à vous trois. Merci pour cette spontanéité. Merci à vous. Nouvelle scène nationale, l'émission, génération 3. Chloé Guilbert, l'occasion pour vous et pour la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise de nous présenter, de nous rappeler ce qu'est le temps fort, l'un de ces temps forts à l'occasion de cette nouvelle saison 2018-2019 qui est toujours en cours à la nouvelle scène nationale. Parmi ces temps forts, Génération, de quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait. Ce sont trois temps forts en fait qui rythment la saison et qui rythmeront les prochaines saisons de la scène nationale, avec des temps qui sont conçus pour la jeunesse, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une logique intergénérationnelle, mais en tout cas avec un focus sur des thèmes et des spectacles qui parlent aux jeunes, qui parlent des jeunes et qui sont aussi proposés par les jeunes. Alors, on va le voir, effectivement, cela va se traduire à nouveau par ce temps fort qui est à nouveau proposé au public. Troisième partie de Génération. Génération, donc, qui aura lieu pour cette troisième partie du 7 au 11 mai prochain. Alors, peut-être, on va parler des spectacles qui seront donc à l'affiche de ce temps fort. Peut-être l'occasion pour vous d'évoquer le partenariat avec Arroson, puisque c'est une fresque qu'il est question et qui a été réalisée en trois temps, comme Génération 3. Donc à l'occasion effectivement de ces temps forts Génération, on a souhaité monter un partenariat avec Arroson. Donc on s'est rencontrés déjà en amont de la saison 18-19. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait créer un fil rouge aussi sur ces trois temps tout au long de la saison et marquer quelque chose d'assez fort sur le lieu pour jouer à la fois sur l'ouverture du lieu, c'est-à-dire donner le signe que c'est un lieu ouvert à tous et pour tous, créer un lieu de passage entre donc l'arrière du théâtre 95 et l'avant à travers l'atrium, et en même temps travailler sur les pratiques, puisque l'un des enjeux de ces temps Génération, c'est aussi de faire participer les jeunes dans des pratiques qui leur parlent. Donc effectivement, on a construit les choses, enfin Arroson en tout cas a construit les choses, avec une fresque participative qui s'est déroulée en trois temps. Donc évidemment, une première partie sur le temps de novembre, deuxième partie sur le temps de janvier, et donc là on va arriver sur l'étape de finalisation de la fresque. Alors Pierre, pour l'association Arroson, c'était une sacrée belle occasion d'investir l'espace public et de donner la créativité au plus grand nombre. Oui, c'était vraiment agréable de se faire solliciter par la Nouvelle Scène Nationale. Merci Chloé d'ailleurs pour cette invitation et cette proposition. On a été vraiment surpris, agréablement enjoués de participer à ce projet, parce que décliner une fresque en trois étapes et qu'à chaque fois il y ait un rendu qui soit décent et regardable, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour nous. Donc en plus de faire d'une fresque, on la faisait en trois fois. Les deux premières fois se sont passées de façon assez mouvementée, puisqu'on a eu près de 50 participants, de 7 à 90 ans, je pense. Donc on était vraiment dans l'esprit génération, avec un croisement des générations. Et nous, on a voulu aussi que ça se ressente aussi en termes de visuel. Donc on avait mis trois mains ensemble, qui était un petit peu le point de départ de cette rencontre générationnelle. Donc du coup, la main d'un enfant, la main d'un adulte et la main d'un jeune ou d'un plus vieux. Enfin voilà, à nous de définir les générations. Elles sont de plus en plus distendues. Vraiment un projet, en plus d'être coloré, agréable par sa finalité. La finalité, c'était aussi ce projet participatif. Ça, c'est aussi une des intentions proposées par la Nouvelle Scène Nationale, c'est de faire participer le plus grand nombre. Pour votre association, vous avez déjà l'habitude d'animer des ateliers, d'appeler à la créativité des jeunes comme des moins jeunes. Là, il a fallu un petit peu gérer peut-être les demandes multiples. La créativité est débordante souvent. Alors, c'est vrai que nous, on avait un canevas en termes de rendu. Vous imaginez bien que, voilà, en faisant une peinture participative, si on ne sait pas où on va, le résultat peut être vite catastrophique. Donc du coup, on avait sollicité trois artistes, du coup, pour faire ces temps forts, participer à ces temps forts. Donc il y avait Endek et Aurore en première session, ensuite Aurore et Biat, et on retourne sur Endek et Aurore sur la dernière session. Voilà, et c'était Aurore qui faisait un peu le fil rouge et la charte graphique. C'est vrai que c'est dans notre habitude de faire participer des publics, donc c'était pas si mouvementé que ça, mais ce qui était vraiment agréable, c'était de voir des gens de 90 ans, comme je vous dis, avec des jeunes de 7-8 ans, et puis un brassage avec des gens du quartier, mais aussi des gens qui venaient spécifiquement pour participer à la fresque, et le travail de la nouvelle scène avait été bien réalisé dans ce sens-là, en tout cas. Pour ceux qui découvrent le résultat de cette fresque en 3 temps, c'est aussi l'occasion de redonner peut-être du sens, voire partager davantage l'esprit du graphe, l'esprit, effectivement, quand on parle des cultures urbaines, on a tendance un petit peu à oublier tout ce qui est en termes de graphe en particulier. Oui, c'est vrai que le graphe, c'est un petit peu, dans les cultures urbaines, ce qui a été le moins bien représenté, peut-être, mais qui est le plus visible aussi, c'est-à-dire que qui fait quand même sens, en tout cas dans le hip-hop. Voilà, sans le graphe, je pense que le hip-hop n'aurait pas continué sa voie royale, puisque finalement, ce sont les graffeurs qui ont continué. Mais ce qui nous semblait vraiment intéressant, dans le sens que la nouvelle scène nous ouvre son mur, c'était de pouvoir décorer un lieu qui était assez fade quand même. Et le derrière, c'est vrai qu'il est dans ces tons de gris un peu sales, cette couleur-là, elle fait du bien, et on espère que ça engendrera des idées plus pérennes, en tout cas, parce qu'il y a des beaux espaces à l'intérieur, à l'extérieur du théâtre. Chloé, ça veut dire aussi, c'est une reconnaissance, pour ne pas dire peut-être une consécration pour le graphe qui investit un lieu très institutionnel par excellence, alors que le reste du temps, on offre parfois des murs aux graffeurs, mais de manière, on va dire, éphémère. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'événements éphémères sur le sujet. Alors là, c'est la reconnaissance de cette forme artistique, de cette forme de culture. Oui, tout à fait, c'est la reconnaissance et même l'envie d'aller plus loin, comme l'évoquait Pierre, puisque on n'est pas tout à fait sur une proposition permanente, puisqu'effectivement ça s'est décidé un petit peu tard. Donc là, on est avec des techniques qui font que la fresque peut très facilement être supprimée juste après le temps génération. C'est pas l'objectif. Bon. Voilà, et effectivement, nous, ce qu'on envisage, c'est que ce soit quelque chose de permanent. Mmh. Pour y revenir un petit peu, c'est vrai que nous, on a donc du coup posé ce qu'on appelle un nouveau concept qu'on n'est pas beaucoup à apporter en France, c'est le plastigraphe. C'est-à-dire qu'on plastifie les surfaces, et il y a une durée de vie d'à peu près un an, sur de ce plastique, voire plus. Là, c'est vrai que sur le support qui était un peu granule et anti-graphe déjà, c'est vrai que c'était un petit peu complexe que ça reste plus d'un an. Mais c'est vrai que l'idée, ça serait de faire quelque chose de plus pérenne. C'était Pierre pour l'association Arrosons, l'occasion d'aller découvrir finalement aussi cette fresque qui est terminée à l'heure où on se parle. Sera terminée du coup à l'issue de troisième temps fort génération. Voilà, donc patience et l'occasion, c'est bien à la fois de découvrir le reste du programme comme nous allons le faire avec Chloé dans un instant, et au détour du théâtre 95, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est ça, j'ai bien compris. C'est uniquement l'extérieur. Donc, et il faut aller à l'arrière du théâtre. Bon, eh bien, nous allons faire ce détour pour l'occasion. Nouvelle scène nationale, l'émission, Génération 3. Génération 3, c'est un ensemble de propositions. Il y aura d'abord 3 spectacles dont on va vous parler dans la suite de notre émission avec nos intervenants. Il y a déjà eu tout à l'heure Ousmane Sy pour Queen Blood. Nous aurons en fin d'émission DJ7, le spectacle DJ7 sur écoute qui nous sera présenté par Mathieu Boer. Il y a une information à indiquer pour ceux qui nous écoutent. Il y avait un spectacle annoncé dans la plaquette de présentation de saison, 0 degré, spectacle annulé. Chloé. Oui, tout à fait. On n'a malheureusement pas pu mener à bien ce projet qui demande un certain nombre d'autorisations puisqu'il investit l'espace public et les toits, mais ce n'est que partie remise. Autre spectacle qui est entre théâtre et musique sur un texte de Kate Tempest, jeune poétesse londonienne, un spectacle mis en scène par Gabriel Dufay, c'est Fracassé, spectacle qui sera à découvrir le mardi 7 mai à 2 occasions, à 14h30 puis à 20h30, 14h30 on suppose que c'est pour les scolaires, 20h30 pour le tout public. De quoi s'agit-il, Fracassé? Alors, effectivement, c'est l'écriture percutante de Kate Tempest, et c'est sa première pièce de théâtre, qui est donc adaptée et mise en scène par Gabriel Dufay. C'est une pièce poignante qui parle de la jeunesse, avec trois jeunes gens qui font part un peu de leur, à la fois de leur un peu crise existentielle, de leur désespoir par rapport à, voilà, aux difficultés qu'on peut connaître sur les jeunes générations et en même temps sur, bah, sur ce qui arrive et sur l'interrogation de leur avenir qui présage quand même de belles choses. Le metteur en scène se pose en particulier quelques questions et il apporte des réponses d'ailleurs à ces questions. Comment faire pour se révolter et reprendre le contrôle? Comment réinventer le monde et y trouver sa place? Et parmi les réponses proposées par ce jeune metteur en scène, Gabriel Dufay, il dit la chose suivante: grâce à l'insurrection par la musique, la littérature, la poésie, l'art et par l'engagement collectif, bien voilà de quoi reprendre un peu de l'espoir. Le texte de Kate Tempest, on le dit, elle a une rage salvatrice. C'est dire qu'effectivement, la rencontre entre ce texte et le metteur en scène, c'est à découvrir pour ceux qui se retrouvent effectivement dans un monde où on est un peu tous déboussolés, mais où il faut trouver sa place et garder de l'espoir. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un des spectacles qui est un symbole assez fort de ces temps générations, puisque c'est voilà typiquement un spectacle qui parle de la jeunesse, qui parle à la jeunesse, qui interroge le monde. Et effectivement, les lieux qui ont accueilli Fracassé récemment, le spectacle a connu un grand succès auprès des jeunes générations. Ça sera le 7 mai prochain au Théâtre des Arts à Cergy, Grand Centre. Alors, l'occasion de ce temps fort génération, c'est aussi qu'il va se passer un certain nombre de choses, pas simplement d'animation, des temps qui vont être partagés dans un esprit de convivialité. Je vois d'ailleurs la présentation de la vie du lieu de Génération 3. Ça commencera par un apéro convivial avec toute l'équipe de la nouvelle scène nationale. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme sur les temps forts précédents, l'objectif, c'est de créer des rendez-vous autour des spectacles. Là aussi, on dépasse simplement l'animation. En tout cas, c'est de faire circuler, faire se croiser les publics et faire vivre les lieux en dehors du temps de la représentation. Là, il nous semblait important, pour ce troisième temps, effectivement, d'avoir un moment convivial et festif le 7 mai en amont de la représentation de Fracassé et aussi également puisque ce sera la dernière représentation de la scène nationale au Théâtre des Arts. Et ensuite, l'idée aussi, c'est de, la construction de ce troisième temps, ça a été de retrouver les différents partenaires associatifs du territoire qui ont créé avec nous cette vie du lieu sur cette première saison. Donc évidemment, à Roson, on en a parlé, La Ruche, bien évidemment, et aussi une association étudiante qui s'appelle l'association Essai Kebab, qui sera à quelques jours du Cergy Street Festival. D'ailleurs, à ce propos, tant de à Roson que de cette association Essai Kebab, à nouveau, un apéro convivial le vendredi 10 mai au Théâtre 95. Il y aura aussi le petit slam de Gisère. De quoi s'agit-il? Un tournoi de poésie avec La Ruche, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors simplement pour revenir sur le vendredi 10 mai, plus qu'un apéro convivial, là on est vraiment sur la participation à la dernière étape de la fresque. C'est-à-dire que au-delà de découvrir cette fresque, les habitants du territoire sont invités à... voilà, à prendre les bombes aussi et à participer à la finalisation de cette fresque. Et cet apéro sera là, évidemment, avec l'équipe de la scène nationale, mais surtout avec l'association étudiante. Alors, on va pouvoir à nouveau jouer avec sa créativité, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais en même temps, dans une création qui est en cours, il va falloir guider les personnes malgré tout, parce que sinon, comme je disais, la créativité peut être débordante et pas forcément respecter ce qui est déjà en cours. Pierre? Oui, vous imaginez bien, José, qu'on va pas se laisser aller. On a donc du coup sur cette troisième étape voulu travailler, enfin un travail sur les écritures. On va essayer de travailler sur justement un petit peu l'évolution de l'écriture, voir un petit peu des voilà tout ce qui est autour de la calligraphie et de l'écriture. Essayer de faire évoluer, voilà, parce qu'il y a aussi l'écriture aussi de ces générations. Très bien, ça c'est pour le vendredi 10 mai à partir de 18h30 au Théâtre 95 à Cergy. Alors d'autres partenaires, on a évoqué leur nom, La Ruche. La Ruche qui nous propose différentes interventions. Il y aura le slam, le petit slam de Gisère, un tournoi de poésie. Ça c'est pour le 11 mai de 10h à 17h30 au Théâtre 95 avec différentes étapes, différentes équipes qui vont être en compétition. Et il y aura une remise de prix à la fin de l'après-midi, 17h30. Je vois initiation au jing avec le camion scratch de La Ruche. De quoi s'agit-il? Oui, alors La Ruche est effectivement un partenaire fort de ce samedi 11 mai. L'initiation DJing va se dérouler en fait sur le parvis du théâtre 95, c'est-à-dire que c'est le camion scratch qui s'installe et on propose de 14h à 20h des sessions d'initiation. Donc à la fois sur la pratique mais aussi sur une sensibilisation de manière globale à la culture hip-hop et aussi au risque auditif lié aux musiques amplifiées. C'est bien d'être prévoyant et de prévenir sur ces sujets-là. Alors, le scratching utilise la platine vinyle comme instrument de musique pour jouer avec les disques pour ceux qui voudraient se sentir davantage concernés par ces nouvelles formes de culture. Il y aura donc une session d'initiation. Ensuite, il y a un after festif de clôture, toujours proposé par l'association La Ruche également. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va clore ce troisième temps avec un format bien connu de La Ruche, qui est le format Before. Évidemment, à partir du moment où c'est un after, on l'a renommé. Donc, on est en fait sur un forteur. Et on a quatre artistes qui vont investir l'atrium, donc le hall du théâtre 95, avec DJ Prophète, Mara Sebisti et 95-150 DSN. Voilà, ça c'est pour les DJ qui vont intervenir, qui vont se succéder les uns après les autres. Bon, dernière chose peut-être pour clôturer sur ce temps fort, donc qui, je le rappelle, se déroulera au mois de mai à la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Ce temps fort qui, au niveau des dates, c'est du 7 au 11 mai prochain, avec à la fois ces spectacles, avec ces différents moments de créativité, de partage, de convivialité également. C'est dans cet esprit que la nouvelle scène nationale ouvre ses portes et ses propositions au plus large public possible, et en particulier les jeunes, la jeunesse de Cergy-Pontoise. Pontoise et des alentours également, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce temps est très riche, puisque on invite les jeunes à venir donc graffer, à venir s'initier au DJing, à venir danser, à venir écouter des matchs de poésie. Donc on est sur quelque chose de très varié pour ce programme. Merci Chloé. Pierre, pour l'association Arroson, il y a une actualité prochaine à venir sur Cergy-Pontoise, où il sera question de graphes, mais à grande échelle, là aussi, et vous investissez, pour le coup, comme je disais, l'espace public, qui sera accessible à tout le monde, au cœur même de Cergy-Pontoise. C'est ça, c'est quelque chose d'assez énorme qui se prépare. C'est 50 artistes internationaux invités, 17 façades sur le territoire du Grand Centre. Donc, à mon avis, un projet coloré et, comment dire, musical, avec un village associatif, des concerts, etc., un festival de graphes, quoi. Ça s'appelle Caps Attack, voilà, qui se déroulera donc du 8 au 11 juin prochain, enfin à venir, voilà. Alors, l'appareil, même interrogation, c'est de l'éphémère ou c'est un certain nombre de ces fresques pourront rester plus longtemps dans la ville? Bah, plus philosophiquement, je me dis que tout est éphémère, mais là, on est dans du pérenne. Surtout à Cergy, hein, qui se construit, se déconstruit. Mais on a été invité du coup par les Trois Fontaines à décorer des façades de presque 15 mètres de haut, par la CACP, des espaces publics sous la dalle, au-dessus de la dalle, à côté de la gare, par la mairie aussi qui nous laisse des murs. Donc non, là, on est sur quelque chose de plus pérenne. Donc, Cergy-Pontoise va pouvoir rivaliser avec d'autres villes au monde qui sont bien connues pour ces graphes, souvent sur des très très très grands formats et des très grands volumes. Hein. C'est ça, je pense que l'initiative Caps Attack 1 a fait son chemin et j'ai l'impression que dans la tête du politique, quelque chose se joue. Et se rend bien compte que décorer les façades qui sont souvent grises ou ternies par des choses bien plus colorées et artistiques, ça, c'est plus porteur. Oui, et ça rend la vie plus joyeuse pour tous ceux et celles qui vivent dans la ville en général. Merci Pierre, on rappelle les dates. Du 8 au 11 juin. C'est noté sur nos tablettes. Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche.

Il est temps de conclure cette émission, non sans remercier tous ceux et celles qui ont participé aujourd'hui. Toute information et réservation concernant les spectacles, les différentes propositions qu'on vous a proposées, présentées au cours de cette émission, vous allez composer le 01 34 20 14 14 ou sur internet au www.nouvellescenenationale.com et là vous serez complètement informé. Remerciements, comme je l'ai dit, à nos invités, mais ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour la réalisation technique. Émission qui sera rediffusée samedi 13 avril de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Et si vous n'êtes pas disponible, sachez que vous pouvez retrouver le podcast de l'émission à cette même adresse. Votre prochain rendez-vous avec la Nouvelle Scène Nationale, c'est pour le mercredi 8 mai de 19 à 20h, comme chaque deuxième mercredi du mois. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise et sur votre radio locale RGB sur le 99.2 FM. À bientôt. Nouvelle Scène Nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.